La première personne du présent, la forme qui correspond à « je », est aussi très utile parce qu'elle permet de donner un ordre à quelqu'un que l'on vous voit. Je vous avais parlé très brièvement de cette façon de donner un ordre. Maintenant, nous allons voir cela un peu plus en détail. Par exemple, si vous voulez dire « sortez » à quelqu'un que vous voyez, vous partez de « esco » et vous transformez le « o » en « a », ce qui donnera « esca ».« Esca », c'est ça. Comment diriez-vous « venez avec moi » ? Vien... Comment dit-on « je viens » ? Vengo. Oui, donc il vous suffit de transformer le O en A et vous obtenez Venga. Venga, absolument. Comment diriez-vous « dites-moi » à quelqu'un que vous voyez ? Mi dice. Mi dice, c'est « vous me dites » ou « il ou elle me dit ». Pour donner un ordre, comme dans « dites-moi », on part de quelle personne ? De je ? Oui, on part de je. Et je dis, c'est ? Dico. Oui. Et que devient le O de dico pour donner un ordre ? Il devient A. C'est ça. Alors, dites-moi, c'est ? Dicami. Non. Ici, on ne colle pas le mi après le verbe, parce que ce n'est pas un infinitif. Alors, comment traduisez-vous « dites-moi » ? Mi dica. Mi dica, oui. Je récapitule la règle. Pour donner un ordre à quelqu'un que vous voyez, vous partez du « o » qui correspond à « je » et vous mettez un « a » à la place. Ça, c'est valable pour tous les verbes autres que les verbes en « are ». Avec les verbes en « are », « parlare » par exemple, si vous voulez dire « parler », vous ne mettrez pas un « a » à la fin, mais un « i ». D'accord ? Qu'est-ce que ça donnerait dans une phrase comme « parler plus lentement », sachant que « lentement » se dit « lentamente ». Parli più lentamente. Parli più lentamente. Mm-hmm. Et « manger plus lentement » Mangi più lentamente. Mangi più lentamente. Tout à fait. Voilà pour le vouvoiement. Passons maintenant au tutoiement. Avec les verbes en are, au lieu de parli ou mangi, vous direz parla ou mangia. En fait, c'est tout simple. Avec les verbes en are, on a a quand on donne un ordre à quelqu'un qu'on tutoie. Et on a « i » quand on donne un ordre à quelqu'un qu'on vous voit. Avec tous les autres verbes, c'est l'inverse. La terminaison « i », c'est celle du tutoiement. Et le « a », c'est pour le vouvoiement. Exerçons-nous un peu. Comment diriez-vous « partez » un verbe en « ire », donc. Parta. Parta, oui. Et « par » Parti. Parti. Comme je viens de vous le dire, c'est exactement l'inverse avec les verbes en are. Parce que si vous vouliez dire parle italien avec moi, vous diriez parla italiano con me. Parla italiano con me, c'est ça. Et parler italien avec moi, en vous voyant votre interlocuteur, parli. Parli. Parli italiano con me. Parli italiano con me. Bien. Je pense que maintenant, vous avez bien compris comment on donne un ordre en italien. Il nous reste à voir le contraire, c'est-à-dire comment on défend à quelqu'un de faire quelque chose. Commençons par le vouvoiement parce que c'est tout simple. Il suffit de mettre la négation devant l'ordre. Dites-moi, ne sortez pas. Par exemple. Non esca. Non esca. Oui. Sortez se dit esca. Et ne sortez pas se dit non esca. Il n'y a pas de difficulté. Maintenant, c'est différent si vous tutoyez quelqu'un et que vous voulez lui défendre quelque chose. Par exemple, lui dire « ne sors pas ». Là, vous emploierez « non » suivi de l'infinitif. Comment direz-vous cela ?« Ne sors pas ». Non uscire. Non uscire. Non uscire. Ne sors pas. Comment direz-vous ? Ne me le dis pas. Non dire melo. Non dirmelo. Non dirmelo. C'est ça. Là, on a l'infinitif avec me et lo collé derrière. Mais on peut dire également non me lo dire. De même, comment dira-t-on « ne m'attends pas » ? Non aspettarmi. Non aspettarmi. Tout à fait. Ou on aurait pu dire aussi « non mi aspettare ». Et « n'y va pas », comment diriez-vous ça ? Non andarci. Non andarci. Voilà. Puisque nous parlions du verbe « venir », comment direz-vous « ne venez pas » si vous, vous voyez votre interlocuteur. Non venire. Ce que vous venez de dire est correct, mais vous avez tutoyé votre interlocuteur au lieu de le voyer. Comment dit-on « je viens » ? Vengo. Pour donner un ordre... Ah, non venga. Non venga, absolument. Maintenant, vous allez me traduire « ne me le dis pas ». Non dirmelo. Non dirmelo. Ou bien, si on ne colle pas melo à la fin de l'infinitif. Non me lo dire. Oui, non me lo dire. Et si je vous vois mon interlocuteur et que je dis ne me le dites pas. Non me lo dica. Non me lo dica, c'est ça. Maintenant, vous vous adressez à un ami et vous dites « ne parle pas français avec moi ». Non, alors, je le tutoie. Oui. Non parla francese con me. Non, ce que vous me dites n'est pas une interdiction. Non parli. Non. Non parla signifie « il ou elle ne parle pas ». Et « non parli » signifie « tu ne parles pas » ou bien « ne parlez pas ». Ce que je vous ai demandé, c'est « ne parle pas français avec moi ». « Non parlare francese con me ». Bien, « non parlare francese con me ». Toujours l'infinitif pour défendre à quelqu'un que l'on tutoie de faire quelque chose. « Non parlare ». Maintenant, adressez-vous à une personne que vous vous voyez. Ne parlez pas français avec moi. Non parli francese con me. Bien, non parli francese con me.